Bonjour. Je voudrais commencer par remercier le Cresson pour cette invitation, Inès Ouni pour sa proposition, Anthony Pequeux pour son adhésion, François Sciola pour son organisation, David, dont je ne connais pas le prénom, pour l'aide technique nécessaire à la réalisation de ce moment, et vous tous pour votre présence et votre participation. Je remercie donc le Cresson de m'offrir cette occasion de poser avec vous la question quelque part comprise dans l'intitulé que les organisateurs ont donné à cette rencontre. Que peut être Peter Sloterdijk pour les ambiances? Que peut constituer sa pensée pour la connaissance et l'établissement des savoirs sur les ambiances? Pour débattre de cela, j'ai choisi de vous soumettre ou de vous présenter la formalisation, la morphologie, peut-être plus précisément la topologie de l'atmosphère que Sloterdijk établit dans son ouvrage Écume, troisième volume de sa trilogie Sphère. Avant de le faire, ou peut-être pour pouvoir mieux le faire, je commencerai par vous décrire comment Peter Sloterdijk nous amène vers le « tout est air » ou encore « tout est atmosphère ». En effet, dans son introduction intitulée « Tremblement d'air », on découvre que tout commence avec l'attaque au gaz des troupes franco-canadiennes par l'armée allemande le 22 avril 1915. À partir de ce jour, il devient manifeste qu'on n'a plus besoin d'asséner des coups à un corps pour intenter à la vie d'une personne. Il suffit d'altérer son environnement. C'est avec la Première Guerre mondiale que l'explicitation de l'atmosphère débute. L'action terroriste, définie ici comme agir sur l'environnement des hommes pour les exterminer, ne se développant que comme forme d'exploration de l'environnement sous l'angle de sa capacité à être détruit. Toute erreur, nous dit Sloterdijk, par son principe de mise en œuvre, a une constitution atmo-terroriste. Elle prend la forme de l'attentat contre les conditions de vie environnementales de l'ennemi. Même si notre propos n'est pas de rendre compte de l'histoire du génie terroriste, on voit bien à la lecture de cette introduction de 150 pages comment le terrorisme a fait faire de gigantesques pas à l'explicitation de l'atmosphère. Avec la guerre du gaz 1915-1918 et l'exterminisme génocidaire par le gaz 1941-1945, apparaissent les premiers actes de design atmosphérique. On dessine et on produit, dans les règles de l'art, des microclimats délimitables, de manière plus ou moins exacte, dans lesquels des hommes donnent la mort à d'autres hommes. Il s'agit là d'un chimio-terrorisme. En 1943, l'incendie de Dresde, provoqué par les bombardements américano-britanniques de la nuit du 13 au 14 février et qui a causé la mort dans cette même nuit de 35 à 40 000 personnes, constituait le nouvel archétype du thermoterrorisme extensif dans le monde. Ce qui se produisait ici, dit Sloterdijk, c'était un attentat de grande dimension contre les conditions thermiques limites de la vie. Enfin, et pour finir avec les grands jalons des faits atmo-terroristes, il faut citer les deux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont inauguré la transition vers la dimension radio-terroriste. On apprend, mais c'est une autre histoire, que depuis 1990, les recherches du Pentagone explorent les contours d'une future guerre ionosphérique. Dans une note rendue publique le 17 juin 1996 et intitulée « Le climat comme multiplicateur de la force de combat, maîtriser le climat en 2025 », les auteurs considèrent que les auteurs considèrent que la maîtrise de l'ionosphère permettra la production d'une arme climatique qui, je cite, englobe entre autres, selon les anticipations actuelles, le maintien ou la perturbation de la vision dans l'espace aérien, l'élévation et l'abaissement du comfort level, du moral des troupes, l'amplification et la modification des intempéries, le blocage des précipitations pluvieuses sur les territoires de l'ennemi et la production de sécheresses artificielles, l'interception et le blocage de la communication ennemie et l'interdiction faite à l'ennemi d'exercer des activités analogues sur le climat. Mais revenons à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour constater que les premiers actes de design atmosphérique ont consisté à donner forme à un air biocide, un microclimat plus ou moins délimitable à l'intérieur duquel la vie est impossible. Ces premiers actes d'air conditioning négatif donneront lieu au premier objet microclimat issu de l'air conditioning positif, le masque à gaz. Je cite, « Le concept de masque à gaz exprime l'idée que l'agressé tentait d'abolir sa dépendance à l'égard de son milieu immédiat, l'air qu'il respirait, en se dissimulant derrière un filtre à air, un premier pas vers le principe de l'installation climatique qui se fonde sur la coupure entre un volume d'air défini et l'air qui l'entoure. » De cet acte inaugural que constitue l'attaque au gaz de 1915 et où des hommes sont morts en raison de leurs besoins incompressibles, sauf dans la très courte durée de respirer, on retiendra que l'atmosphère est ce que l'on respire ou que l'on finit toujours par respirer. En 1936, deux faits artistiques viennent en quelque sorte marquer la conscience atmosphérique. La première est la conférence-performance que Salvador Dali effectue, vêtu d'un scaphandre dans lequel, entre parenthèses, il manque de s'étouffer. Sloterdijk dit « Le fait que l'artiste ait choisi pour se présenter en ambassadeur des profondeurs, c'est-à-dire ici du subconscient, un scaphandre de plongée dépendant d'une arrivée d'air extérieur, l'associe en toute certitude au déploiement de la conscience de l'atmosphère, qui, nous tentons de le montrer ici, se trouve au centre de l'auto-explicitation de la culture du XXe siècle. Même si le surréaliste n'arrive qu'à une interprétation semi-technique du sous-jacent du monde et de la culture comme mère de l'inconscient, il postule tout de même une compétence qui lui permet de naviguer dans cet espace avec des procédures formellement achevées. Dali déclare ainsi que le subconscient est un microclimat dans le climat général du conscient. Le deuxième événement vient de la littérature, ou plutôt du commentaire littéraire. Il s'agit du regard que porte Elias Canetti, écrivain d'expression allemande, sur l'œuvre d'Hermann Broch, romancier, dramaturge, essayiste, à l'occasion de ses 50 ans. Canetti définissait le séjour de l'artiste dans le temps comme un lien fondé sur la respiration, un mode particulier de plonger dans des situations atmosphériques concrètes de l'époque. Canetti voit en Broch le premier grand maître d'une poésie de l'atmosphérique en tant que statique. En chaque personne, il distingue une existence singulière respirant son air personnel, entourée par une enveloppe climatique inconfondable, intégrée à une économie respiratoire personnelle. Canetti compare l'écrivain à un oiseau curieux qui dispose de la liberté de se glisser dans toutes les cages possibles et d'en ressortir chargé d'échantillons d'air. Et lorsqu'il décrit ces personnages, Broch en fait le portrait de créatures incarnées dont chacune vit dans son enveloppe aérienne singulière et se déplace parmi un grand nombre de constellations atmosphériques. L'art narratif de Broch repose sur la découverte de pluralité atmosphérique. À travers elle, le roman moderne dépasse la représentation de destins isolés. Elles ne prennent plus pour sujet les individus, avec leurs actions et leurs expériences limitées, mais l'unité élargie que constitue l'individu, l'espace de respiration et l'imbrication mutuelle de plusieurs espaces de ce type. Les actions ne se jouent plus entre des personnes, mais entre des économies respiratoires et chacun de leurs habitants. Cette évocation de l'œuvre de Brosch, au-delà du déploiement de la conscience atmosphérique qu'elle préfigure, permet de constater déjà l'extension du domaine de la respiration. La respiration est notre ouverture au monde, mais aussi notre mode de séjour, notre façon d'y rester. On ne reste que là où on peut respirer. Ceci nous renvoie à deux termes heideggériens et surtout à leur traduction forcément interprétative. Le premier terme, excusez mon allemand, est la Lichtung traduite par clairière. Pour Pascal David, philosophe, la clairière heideggerienne, la Lichtung, ne vient pas de Licht, lumière, mais de Leicht, du verbe Lichten, alléger, dégager, libérer. Dans un article, il cite Martin Heidegger. Si la Lichtung en forêt, la clairière, est ce qu'elle est, ce n'est pas en raison de la clarté et de la lumière qui peuvent y luire, elle existe même de nuit. Elle veut dire la forêt à cet endroit s'ouvre aux marcheurs. Le plus intéressant dans tout cela est la proposition faite par Luce Irigaray, auteur de L'oubli de l'air chez Martin Heidegger, de remplacer la traduction clairière par le mot airière. Ce qui ouvre le monde à l'homme, c'est l'air et non la lumière, qui d'ailleurs suppose pour advenir la présence de l'air. Le deuxième terme est Wissen. Dans le lexique Heidegger, on trouve que ce mot, souvent traduit par essence, a conduit Gérard Guest à utiliser un vieux mot français, être, A-I-T-R-E, pour rendre compte de deux nuances que le mot essence conduit à perdre. D'un côté, le sens verbal, de l'autre, celui de la durée temporelle. Il y a dans l'emploi du mot Wissen les sens de séjourner, demeurer, habiter en un lieu, et aussi temporellement ceux de durer, rester, séjourner. Avec ces deux controverses autour de Lichtung et Wissen, on comprend que la respiration devient la métaphore de l'être dans le monde, à la fois de l'ouverture et du séjour. À cet air conditioning négatif, fondé sur une explicitation de l'atmosphère à partir de l'angle de sa capacité à devenir biocide, à tuer la vie, Peter Sloterdijk va opposer un air conditioning positif fondé sur une explicitation de l'atmosphère à partir de l'angle de sa capacité à devenir anthropogène, c'est-à-dire à générer et faire durer de l'humain. Il restera néanmoins de cette corrélation vitale à l'environnement que l'espace protégeable est un espace limité, que le lieu de vie est toujours une intériorité, une isolation, une insulation, une île. Il n'y a presque pas besoin d'un pas pour affirmer l'air respirable est une île. L'hypothèse de Sloterdijk est que cet air chargé de facteurs physiques et chimiques est aussi chargé de facteurs humains. Sur l'île anthropogène, encore inhabitée, il y a déjà un prototype d'homme qui est la conscience de l'île. Et c'est bien cela peut-être qui dit le mieux cette notion d'être au monde. L'homme est au monde parce qu'il y est déjà potentiellement. Et le monde est monde parce qu'il est respirable. On peut y être, A-I-T-E-T-R-E. Il s'agit donc de savoir comment est-on dans le monde? Comment est-on dans l'air qui nous entoure? Comment y séjournons-nous? Comment y demeurons-nous? Comment l'habitons-nous? Pour y parvenir, Peter Sloterdijk ne va pas emprunter le chemin d'un atmoterrorisme étendu à la question de l'habiter, mais celui, pour commencer, du vol spatial, ce qu'il appelle l'île absolue. Pour le philosophe, en effet, la construction de capsules habitables situées dans le vide possède une portée philosophique de premier plan et constitue un vrai laboratoire pour l'expérimentation anthropologique et l'explicitation des conditions du séjour humain. Je cite, Le vide exige que l'on épelle explicitement l'alphabet dans lequel l'implicite a été rédigé. De ce point de vue, le vol spatial équivaut à une alphabétisation ontologique. Après, les éléments de l'être dans le monde peuvent et doivent être formellement consignés par écrit. La capacité de créer une prothèse du monde de la vie, constituant elle-même la véritable aventure du vol spatial ou de la construction de stations. On pourrait résumer la situation humaine en vol spatial par l'expression « être dans le monde de ». Mais l'encapsulage que nécessite le vol spatial étant affaire de life support, de ce qui permet la vie et non l'être, l'être de Gérard Guest, ne serait-ce que par le caractère momentané du vol et de l'importation obligatoire de la planète Terre des caractéristiques psychosémantiques, Sloterdijk va se tourner vers le deuxième type d'île, des îles à caractère relatif, les serres. Parce que justement, elles sont l'archétype du milieu créé artificiellement pour qu'une vie, certes non humaine pour commencer, se développe dans un milieu qui n'est pas forcément le sien. On sait tous que les premières serres permettaient aux régnants britanniques la culture de plantes exotiques sur le sol européen. Ce sont les expériences des îles absolues, dit Sloterdijk, qui poussent le plus loin l'explicitation du principe d'isolation. Les îles artificielles, donc les serres à caractère relatif, sont-elles aussi instructives pour l'exploration de mondes maquettes, puisqu'elles habituent le regard à percevoir les variables atmotopiques des milieux insulés. Mais ce n'est pas l'atmotope que vit Sloterdijk, mais bien l'anthropotope, les dimensions de l'habité humain, c'est-à-dire de l'être au monde. L'anthropotope, je voudrais préciser, naît de l'imbrication d'une foison de type d'espace ayant une qualité spécifiquement humaine. Sans l'ouverture et l'animation simultanée desquelles, on ne pourrait penser l'être ensemble des êtres humains avec leurs semblables et le reste au sein d'un élément commun. Pour expliquer l'anthroposphère, Sloterdijk nous dit, dans l'état de déploiement minimal complet, l'anthroposphère peut être définie comme un espace à 9 dimensions. On y trouve, en tant que prestation de service constitutive du monde, chacune étant en soi indispensable, les topoi ou dimensions suivantes. Le chirotope, le phonotope, l'utérotope, le thermotope, l'érototope, l'ergotope, l'alétotope, le thanatope et le nomotope. Je voudrais attirer votre attention sur ces deux mots, anthropotope et anthroposphère. L'anthropotope est un ensemble de 9 dimensions, tandis que l'anthroposphère est une atmosphère anthropogène, une atmosphère anthropophorique, c'est-à-dire une atmosphère qui contient, même de façon minimale, ces 9 dimensions. L'anthropotope a donc un caractère topologique, tandis que l'anthroposphère a un caractère réel, dans le sens de mesurable. Chaque foyer, chaque cellule, chaque groupe de résonance, en tant que cellule dans l'écume, constitue déjà, pour Sloterdijk, une miniature de l'anthropotope. Et il nous dit, de la même manière qu'Elias Canetti, dans son éloge à Broch, demandait que l'on comprenne les individus comme des promeneurs entre des espaces de respiration, l'analyse atmosphérique doit décrire les cellules au sein de l'écume dynamique dans leur oscillation constante sur l'axe de la monodimensionnalité, donc dans ces 9 dimensions. L'anthropotope est donc défini comme l'ensemble des 9 dimensions constitutives de la possibilité de l'être dans le monde et leurs multiples possibilités d'imbrication ou peut-être de réflexion. Un peu comme dans la salle des miroirs de Leibniz, chaque dimension ouvrant un point de vue sur toutes les autres. Pour débusquer l'anthropotope, Sloterdijk va inventer un stratagème. Il va décrire l'île anthropogène, l'île originelle qui a permis aux hominidés de devenir des humains. Il part donc d'une démarche comparable à celle de Jean Piaget avec l'épistémologie génétique, débusquant les mécanismes de la cognition humaine par l'observation de leur apparition chez les enfants. Et voici ce qu'il trouve. Le chirotope est la première dimension. C'est la dimension de l'espace qui englobe le domaine d'action de la main et définit les limites de la zone des outils à disposition. Comme nous avons essayé de le montrer à Volos, le chirotope est pour Sloterdijk la condition de l'être dans le monde. La découverte de l'utile du jet ou du lancer a permis aux hominidés d'établir, d'installer la distance et donc de pouvoir se lever pour regarder le monde et s'éveiller au sensible. Cette distance établie a aussi permis la découverte de l'utile du frapper à l'origine de la coopération pour fabriquer des outils plus perfectionnés, c'est-à-dire de l'être ensemble. Elle a aussi permis la découverte de l'utile du découper, producteur de connaissances, parce qu'il permet d'aller au-delà du visible, de rendre manifeste le sous-jacent. La deuxième dimension est le phonotope. Il s'agit de la cloche psychoacoustique qui recouvre le groupe. Il assure sa cohésion sonosphérique. Il est une exception acoustique qui constitue la situation normale de ses habitants. Il est son inconscient sonore. Être sous cette exception acoustique et ne pas en être conscient devient un signe d'appartenance. Pour Sloterdijk, le phonotope est le garant du groupe et c'est l'invention de l'individu. Et l'invention de l'individu n'a pu en fait voir le jour que par les pratiques silencieuses qui sont des pratiques de retrait par rapport aux préjugés et aux gesticulations que porte le phonotope. Les oscillations du phonotope marquent les différences entre les bruits collectifs et les communications plus basses, entre le groupe et l'individu, entre le public et le privé. La troisième dimension est l'utérotope. C'est la métaphore de l'utérus mise en scène collectivement. Le concept d'utérotope, nous dit Sloterdijk, désigne un fantasme d'espace doté d'une puissance historique, suggérant que tant que nous restons territorialisés dans notre propre groupe, nous serions les créatures privilégiées de la même caverne. Sur le plan du séjour humain, il correspond aux besoins et à la possibilité de transférer des situations antérieures dans de nouveaux contextes. Ce qui est intéressant ici et assez curieux de la part d'un philosophe de langue allemande, c'est que Sloterdijk oppose à l'utérotopie l'utopie. L'utérotopie et l'utopie se reflètent mutuellement comme l'élitisme de l'origine contre l'élitisme du futur. La quatrième dimension, le thermotope, est appelée aussi espace de la gâterie. Il s'agit de la sphère de confort rattachée à la localisation, au fait d'être quelque part. On peut recourir pour l'imager à la figure de l'âtre autour duquel il faut rester pour tirer les bénéfices de la chaleur, de la lumière et de la possibilité de cuire qu'il offre. Pour Sloterdijk, un groupe qui a réussi élabore par soi-même un avantage en matière de gâterie et le répartit en interne. Il commencera par dire d'ailleurs que les gens ne sont pas chez eux dans un pays, mais dans un confort. Et qu'un des moteurs d'un patriotisme raisonné et donc de la cohésion d'un peuple est de sentir qu'il peut tirer les avantages de la répartition des possibilités de confort. Ceci, évidemment, pouvant se vérifier à des échelles beaucoup plus réduites. La cinquième dimension est l'érototope, le champ de la jalousie et des paliers du désir. L'érototope est la sphère des souhaits, et plus précisément de la compétition affective. Pour vivre sur l'île, Il vaut mieux, dit-il, prêter attention à l'activité affective des autres. Les rototopes fonctionnent sur le modèle du désir érotique qui constitue la forme fondamentale de la compétition. À côté de toutes ces dimensions qui unissent les coexistants, les habitants vont chercher à se différencier. De plus en plus des points de vue suivants. Parce qu'un est plus, parce qu'un a plus, parce qu'un représente plus. Il en résulte que la sagesse consiste en une bonne gestion des jalousies, à une incitation à la discrétion ou à la mise en valeur des biens qu'on va appeler supérieurs, dont la nature idéale permet un partage illimité et l'absence de propriété privée provocatrice. On parlera en ces termes de tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Les rototopes provoquent un phénomène de concurrence mimétique. C'est ce phénomène qui est aujourd'hui largement utilisé par la société de consommation. La motivation du comportement se fonde en effet sur l'excitation systématique du désir de ce que possèdent les autres. On voit combien, à l'inverse de l'érototope, les trois précédentes dimensions, le phonotope, la cloche acoustique, l'utérotope, la caverne du nous, et le thermotope, l'âtre commun, présentent un lien étroit avec la discrimination positive du groupe s'exprimant par le nous. Ensemble, elles renforcent la tendance des coexistants à établir entre eux des liens de coopération. C'est cette coopération qui fonde la sixième dimension, l'ergotope. Pour définir l'ergotope, Sloterdijk dit « Nous donnons le nom d'ergotope à l'espace dans lequel on répartit dans un esprit coopératif la charge des tâches à accomplir. Ses habitants, les ergotopiens, y sont saisis par les devoirs et les exigences ou l'ordre de mobilisation au combat. Ils sont rassemblés en communauté d'efforts. La puissance de cohésion de l'ergotope fera dire à Sloterdijk que la guerre s'impose sur toute la ligne comme l'objectif culturel central des peuples. En tout cas, l'ergotope pose la question du stress collectif, des situations de vainqueurs et de vaincus et de toutes les techniques exerçant une influence sur l'humeur ou l'euphorie du groupe et permettant de repousser le point d'épuisement. L'allétotope, la septième dimension, est le lieu où les choses deviennent aussi bien manifestes que susceptibles d'être énoncées par la parole ou par l'image. L'allétotope est la sphère du rapport de l'homme à la vérité. Pour l'homme, le monde est un espace éclairé, mais où tout n'est pas éclairé. En tant que point de collecte des connaissances, tantôt comme grenier pour les choses considérées comme justes, tantôt comme décharge pour les choses considérées comme fausses, l'allétotope est le véritable théâtre de l'ouverture humaine au monde. Cette clairière, peut-être la même que Luce Irigaray propose d'appeler aérière, va avoir d'un côté ses gardiens, de l'autre ses extenseurs, d'un côté ses méditatifs, de l'autre ses explorateurs. Et ces explorateurs qui font toujours bouger la ligne de démarcation entre le connu et l'inconnu sont un des facteurs de la huitième dimension de notre être au monde, celle de notre être à l'inconnu, notre être à l'absent. C'est cette dimension que Sloterdijk appelle le thanatope, la mort étant à la fois le paradigme de ce qui est inconnu et de ce qui nous hante, qui risque de faire irruption dans nos vies et de les perturber, mais aussi de ce qui nous transcende. Le thanatope exprime notre conscience ou notre intuition d'être des insulaires. La conscience ou l'intuition que notre pensée et notre savoir actuel constituent une île dans la mer d'un savoir et d'une pensée plus grand. La conscience ou l'intuition aussi que notre vie est une île, un moment de manifestation dans une mer faite de mort et d'absence. Pour Sloterdijk, c'est la vérité et la mortalité qui structurent notre intérêt pour le transcendant et l'au-delà. C'est ce qui nous pousse aussi à les penser ensemble, à les confondre dans une même figure. Le mort relève de Dieu et la vérité aussi. Les hommes se méfient de la bonne volonté de l'absent. Ils craignent Dieu et les nouvelles connaissances. Pour les mettre à distance, ils transformeront ainsi le Thanatope en Théotope, qui supposera que soient prévues des actions de mise à distance, la plupart relevant du sacrifice. Il faut donner des vivres, du sang frais, faire des serments et des communions, donner même sa raison, obéir sans discuter. Il affirmera d'ailleurs avec une certaine malice, la réclame pour le Dieu de l'amour, donc le Dieu des chrétiens, ne peut pas désactiver sans autre forme de procès l'ancien timor fecit Deos, la peur fait les dieux. En réalité, cette mer qui entoure notre insularité humaine, notre anthropotope, est aussi faite de l'environnement, de la nature hostile. De ce fait, elle fera aussi partie des facteurs du stress d'invasion qui nous hante. À côté du retour des ancêtres et des revenants, à côté de l'émergence des nouvelles vérités, nous craignons les agressions et les catastrophes naturelles. Souvenons-nous que pendant longtemps, elles ont été associées à la colère des dieux. On voit bien ici le lien avec le chirotope, la première des dimensions, la condition des conditions, celle qui installe la distance pour qu'advienne l'insularité. Ici, nous sommes en présence aussi d'actes de mise à distance, mais qui concernent l'immatériel, peut-être le non-physique. Le Thanatope, comme le chirotope, a beaucoup à faire avec le système immunitaire. La modernité, elle, a fait de la science son système immunitaire. Pour le travail scientifique, le détour par le transcendant est devenu superflu. Pourtant, cette rupture pose problème, car le Thanatope, nous dit Sloterdijk, du monde occidental, a été modelé jusqu'au seuil du XXe siècle par le monothéisme et depuis par sa désintégration. C'est cette désintégration qui semble avoir poussé les deux premières religions d'une part et la science d'autre part à inventer une nouvelle transcendance, la transcendance de l'autre humain. Du côté de la religion, cela va se traduire par une mauvaise conscience vis-à-vis des damnés de la terre, les sans-abri, les réfugiés, les affamés, la liste est longue. Du côté de la science, cela va se traduire par une mauvaise conscience par rapport à l'ailleurs et aux générations futures qui mènera à une sagesse scientifique fondée sur l'étude des équilibres, l'écologie. C'est peut-être aussi une nouvelle forme de Thanatope. Nous vivons en sachant que nous sommes les morts des générations futures. Cette dernière notion, l'équilibre, nous mène à la dernière des neuf dimensions, le nomotope, du grec nomos qui signifie culture par opposition à nature, mais aussi la loi qui émerge de l'ordre spontané par opposition à la thésis qui est la loi émanant du législateur. Chaque groupe en effet établit un climat normatif. Hegel parlera d'un éther moral en corrélation positive avec sa stabilité et sa survie. Tout comme il est enfermé dans un univers sonore, le phonotope, il vit sous une cloche normative, un modus vivendi. Plusieurs expressions peuvent illustrer cette notion. Mœurs, culture, droit, loi, règles, rapports de production, jeux de langage, formes de vie, institutions, habitus, etc. Pour illustrer un petit peu cette importance, Sloterdijk citera certaines figures historiques. Pour saint Thomas d'Aquin, être et être est bon, cela revient au même. Pour les stoïques, être et être en ordre désigne la même chose. Pour Wittgenstein, la culture est une règle d'ordre, ou du moins suppose-t-elle une règle d'ordre. Pour Gabriel Tarde, le gouvernement le plus despotique et le plus minutieux, la législation la plus obéie et la plus rigoureuse, c'est l'usage. Pour cette fois, pour décrire le monotope, la philosophie va avoir besoin de l'architecture. En effet, ce sont les innovations architecturales, ici les tenségrités, les Tension Integrity Structure de Buckminster Fuller, qui ont fourni les concepts pour penser le nomotope actuel. Les tenségrités correspondent à des inventions d'espaces intégrés en suspension, maintenus par les tensions internes de leur réseau de colombage, qui dissolvent le principe du mur porteur et le remplacent par la solidité alternative des tensions engendrées avec l'aide de la traction entre des barres reliées par des cordes. Peter Sloterdijk dira à propos de l'architecture de la communauté, la culture suit une règle de production d'espace. Et il est vrai que cette innovation, la tenségrité, semble accompagner la rupture moderne du nomotope. Il ne s'agit en effet plus d'accepter l'injonction divine de bonté, l'ordre des stoïques ou le despotisme de l'usage comme un fond habitualisé et quasiment inconscient. Il s'agit de s'engager dans l'aventure de l'adaptation permanente des règles. La vie moderne veut que l'on comprenne les règles d'organisation qu'elle établit et qu'elle respecte comme un processus d'optimisation qui déploie des hypothèses de travail pour la coexistence du collectif. On le voit, le règlement intérieur d'un collectif fonctionne sur le modèle de l'économie de marché, sur la tenségrité de l'échange. Pour que cela marche, il faut avoir besoin de l'autre. Le nomotope se trouve ainsi fondé sur l'interdiction de se suffire à soi-même. Il s'agit de communiquer, c'est-à-dire de faire référence constamment les uns aux autres. Il s'agit de vivre en comptant avec le besoin des autres, de se rattacher en permanence aux prestations et aux jeux existentiels des autres. Notre inachèvement, notre incomplétude possède manifestement un effet civilisateur. Comme le suggère l'article dont nous pourrons discuter tout à l'heure, tout comme nous sommes immergés dans l'édifice que nous habitons, nous sommes immergés dans le monde que nous habitons. C'est toujours un réel exercice que de débusquer le latent, le sous-jacent. Cela pose la question des nouvelles scènes où peut s'observer l'anthropotope. Un début de travail sur les camps de migrants permet d'avancer qu'il s'agit là d'une vraie scène de l'anthroposphère. Nous avions commencé cette présentation en montrant comment l'explication de l'atmosphère avait débuté avec la guerre du gaz et l'atmoterrorisme. Aujourd'hui, la nouvelle transcendance, la transcendance de l'autre, interdit en théorie d'ôter la vie aux gens sous prétexte qu'ils sont démunis et indésirables. Cependant, le camp de migrants, s'il est fait pour préserver la vie, est conçu pour empêcher l'installation, la demeure, l'habiter. Lettre de Gérard Guest. L'étude des camps montre que les décideurs se penchent, peut-être à leur insu, sur l'explicitation de l'être au monde. C'est toujours un être au monde diminué qu'ils essayent d'offrir en établissant une série d'interdictions, et c'est toujours des êtres pleins de leur être au monde, même s'ils ont tout perdu, qui tentent de le compléter. Le camp de migrants est une piste de travail, mais l'essentiel de la question qui se pose ici est de savoir en quoi l'anthropotope, tel que défini par Peter Sloterdijk, conditionne le sensible et comment il se corrèle avec les catégories du sensoriel qui sont mesurables pour offrir une nouvelle façon de comprendre l'ambiance et donc donner forme à l'anthroposphère, c'est-à-dire à l'atmosphère habitable. Car derrière la formalisation de l'anthropotope, ce modèle de l'être au monde, il y a l'idée de sa mesure. Et c'est dans cette mesure que le Cresson m'a paru le lieu privilégié de cette discussion. Merci. Bon, je vous laisse poser à Olfa les questions que vous souhaitez poser suite à sa présentation. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Je voulais poser une question. Oui. Merci beaucoup, Olfa, pour cette présentation superbe et très, très précise. Ça va vraiment nous aider à travailler sur cette pensée-là. Alors, question que je nous pose et que je te pose et que je vous pose, que tu abordes, que tu poses à la fin, il me semble aussi. Et c'est là où le rapport entre sa pensée et les ambulances, je trouve, enfin, c'est une des façons d'aborder le problème, c'est de se demander si l'anthropotope tel que tu as présenté dans toute sa complexité et complémentarité de 9 dimensions, jusqu'à quel point est-ce que ce modèle-là de l'anthropotope peut ou pas fonctionner comme un modèle de l'ambulance, et est-ce que ce serait une façon d'introduire de façon très très forte et très explicite une profondeur anthropologique fondamentale de ce que pourrait ou de ce que serait l'ambiance. C'est-à-dire qu'on voit bien que sa balle est très large, ça implique énormément de choses de l'anthropologie, de l'humanité, globalement. Et donc, la question que je me pose et que je te pose et que je nous pose, c'est que est-ce que par cette entrée de l'anthropotope, cette catégorie-là, on aurait une façon de décrire ce que serait fondamental l'ambiance ou en quoi est-ce qu'il y aurait un lien constitutif entre les deux ? C'est la question fondamentale. Ouais. Oui, alors, justement, moi, ce qui m'a intéressée dans cette formalisation, en fait, que propose Sloterdijk, c'est... moi qui suis habituée à plutôt voir des travaux qui... traite de l'ambiance dans ses composantes physiques et dans ses composantes physiques mesurables. J'ai souvent vu des travaux opposer les mesures à des enquêtes pour dire comment les gens percevaient cet espace mesuré, on va dire, physiologiquement. Enfin, ou en tout cas, dans ses composantes ambientales avec S, comme on sait. Et c'est cette... souvent, peut-être que je ne connais pas très bien tous les travaux sur l'ambiance, c'est souvent le fait que toute cette partie... qui porte sur les enquêtes, c'est ce lien, c'est-à-dire cette absence de formalisation de cette perception de ce qui était mesurable qui me permet de penser que il pourrait être intéressant d'essayer de s'attaquer aux catégories que propose Sloterdijk de manière frontale pour dire non pas comment perçoit mais comment perçoit-on globalement cette ambiance, mais est-ce que justement ce côté, ce sensible qu'on n'a pas encore totalement formalisé, est-ce qu'on peut faire des poser des questions orientées sur ces 9 dimensions-là. Et je parlais tout à l'heure parce que dans son livre Écume, Sloterdijk propose des analyses, par exemple, de l'appartement mono de célibataire, on va dire, où il continue à s'accrocher à cette idée d'entre-deux, puisque pour lui, il n'y a pas de monade, mais une dyade, et où il dit d'ailleurs, qu'il commence sa partie sur l'appartement de célibataire en disant, en prenant, je ne sais plus quelle phrase, enfin, je sais quelle phrase, mais je ne sais plus de quel artiste, I contain multitude. Donc, nous sommes même quand on est seul, on est déjà à plusieurs. Et donc, il fait une analyse atmosphérique de l'appartement de célibataire. Par contre, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu travaillé sur les camps de migrants à travers la littérature, mais à travers des travaux d'anthropologues et qui étaient assez critiques. Et on voit très bien à quel point les petits empêchements, par exemple, empêcher de cuisiner. C'est-à-dire, en fait, ça relève pour Sloterdijk du chirotope, faire les choses pour manger, etc. Empêcher de cuisiner, même si on a de la nourriture à disposition, fait qu'à un moment donné, on ne peut plus habiter cet espace, on ne peut pas rester dans cet espace-là. Empêcher les gens de choisir à côté de qui ils veulent rester. fait que les gens sont hébergés, ils ont des couvertures, des choses comme ça, mais ils peuvent pas rester, sauf à inventer de nouvelles des tactiques pour rester entre eux. Par exemple, du côté du nomotope, on voit très bien que à côté des règlements que ceux qui tiennent les camps, je parle des camps formels, bien sûr, pas des camps informels, à côté des règlements des règlements décidés par les organisateurs, par ceux qui installent les camps, il y a toujours des puissances qui émergent, qui finissent par établir des règlements, des lois internes qui sont par exemple la puissance que détient quelqu'un qui sait parler plusieurs langues, la puissance que peut détenir un passeur. Et donc, en fait, si on prend, et par exemple, il y a autre chose par rapport à l'ergotope, qui est le fait que le fait de pouvoir travailler ensemble et de produire est une des composantes de l'être au monde. Il y a des consignes aujourd'hui, d'ailleurs, la norme Sphère, bizarrement, qui s'appelle Sphère, qui n'a rien à voir avec Sloterdijk, qui donne des consignes sur la façon de comment installer au mieux un camp, c'est de dire qu'il faut faire travailler les gens, il faut qu'ils coopèrent pour se sentir, parce qu'évidemment la norme Sphère, elle a une visée d'habitabilité, pas alors qu'on sait très bien que c'est pour ça que c'est intéressant, on sait très bien que vu la loi européenne, il n'y a pas de migrants éternels. C'est soit on est réfugié, on a les mêmes lois que les, on est, on a, on, prof, on bénéficie des mêmes droits que les citoyens, soit on n'est pas réfugié et donc on doit être expulsé. Et donc le camp de migrants, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois la conséquence d'une volonté humanitaire qui consiste malgré tout à accueillir les gens, à ne pas les laisser mourir, mais en même temps qui n'est pas un lieu d'habitabilité. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant de l'explorer en tant qu'un anthropotope diminué. Et voilà, donc je pense que là c'est une scène presque manifeste de l'anthropotope diminué, tout comme la guerre par l'atmoterrorisme explore la vie, l'environnement par le côté de ce qui compond, comment on peut le diminuer justement. Mais je pense que ces catégories s'appliquent dans tout ce qui est observation et étude de collectif, en fait, de lieux de collectif. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc là, c'est un chantier ouvert pour le coup. Oui, voilà, c'est ce que je pense, mais j'aimerais bien avoir l'avis des experts que vous êtes. Pas expert de... Peut-être pas de Sloterdijk, mais de l'ambiance et du sensible. Merci beaucoup pour ta présentation, c'est vraiment très clair. Pour qui n'a pas lu les 1500 pages. et du coup, moi, je voudrais ajouter une autre référence. Je voudrais parler d'un bouquin qui est sorti cette année, que je trouve fabuleux. Ça s'appelle Boulard Toxique. Comment Boulard Toxique. L'auteur, c'est Alexis Zimmer. Ça doit être sa thèse, je pense. Et j'ai fait acheter à la doc, donc n'hésitez pas. Au début, Françoise se demandait pourquoi je faisais acheter ça. Et j'espère que je vous convaincrai si vous le lisez. Mais ce qui me parle, c'est parce que ce bouquin-là, alors tu as commencé avec 1915, et ce bouquin-là, il déplace la question en fait. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'au lieu de mettre ça du côté de la guerre, il va mettre du côté du capitalisme, en fait. Et sans doute avant. Parce qu'en fait, c'est un bouquin qui s'appelle Brouillard toxique. C'est une enquête sur la vallée de Meuse. La vallée de Meuse, c'est une vallée belge du côté de Liège. Et c'est une des vallées où, après la première révolution industrielle, on va dire, il y a eu une concentration d'usines absolument phénoménale. Et en 1930, donc un peu après 1930, mais en 1930, il y a eu un ensemble de morts inexpliquées suite à un brouillard. Et les autorités ont mené l'enquête et ont conclu que c'est mort du brouillard. Mais bon, voilà, il y a eu un ensemble de doutes quand même qui ont fait que ça se trouve, il n'y a pas que le brouillard dans cette affaire, ça se trouve, le fait que ce soit une vallée encaissée avec une concentration d'usines, déployant, brûlant du charbon, enfin, tout ce genre de choses. Liège même, c'est assez ouvert. Non, c'est un peu avant Liège, enfin, Et du coup, ouais, ce jeune philosophe retrace l'enquête. Vous connaissez, vous vous doutez de la solution, effectivement, c'est bien le capitalisme et la façon dont est organisé le travail et l'exploitation des ressources à ce moment-là, qui sont responsables de ces morts, et absolument pas un sable de brouillard. Et l'intérêt est double, à mon avis, parce que, et en menant son enquête, il va trouver tout un ensemble de cas qui s'étaient passés avant 1930, et donc avant 1915 également. Donc c'est là où c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pour ça, ça déplace la question aussi de mais bon, il n'est pas historien, ce père-là, à la limite, c'est pas très important, si tu sors en 1915, c'est pas... ça déplace la question du côté du capitalisme, et ça, je trouve ça intéressant. Et l'autre intérêt de ce bouquin, je crois, c'est aussi de... par rapport à cette espèce de d'invention de termes, enfin par rapport à cette manière de faire de la philosophie de Sauterdale, qui est assez fascinante, mais qui est dans l'invention de nouveaux termes, de notions qui s'auto-alimentent, etc. C'est que ce que nous propose Dimmer, c'est une autre façon de faire de la philosophie et faire de sciences sociales, je pense, plus généralement. En suivant l'enquête qu'ont mené les personnes impliquées, en l'occurrence les ingénieurs qui ont dû nommés par le gouvernement belge, qui ont dû mener l'enquête à ce moment-là, en suivant toutes les enquêtes qui ont été menées sur ce brouillard, comment expliquer ses causes, etc. Et je pense que ça doit aussi nous poser une question sur que faire. Parce que finalement, ils sont aussi partis de... en menant cette enquête, ils sont aussi partis de donner, comme tu dis, de relever. Qu'est-ce qu'on relève dans l'air à ce moment-là, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de suivre leur enquête à eux, et que ça déplace la focale par rapport à nous, chercheurs, prendre des termes, faire nous les relever. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est un sacré décentrement du regard, je crois, que de suivre les enquêtes que mènent les acteurs à même la société sur ce type de problématique, plutôt que de... en tout cas, de manière complémentaire, comme on veut, plutôt que de mener nous-mêmes des enquêtes sur des problèmes qu'on définit. Merci. Ça, c'est une question, mais en tout cas, je trouve que c'est un autre geste et je trouve ça intéressant aussi. En tout cas, je ne sais pas si j'ai bien compris le jeu de mots du titre. Le jeu de mots, ce n'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire que pour moi, ce que tu racontes est extrêmement intéressant parce que pour moi, le brouillard toxique, c'est le capitalisme. Et que finalement, ce qu'il nous dit, sans passer par justement par ce qu'il nous dit, c'est que le brouillard, l'air aussi finalement, s'est chargé de quelque chose qui n'est pas de l'ordre des particules physiques. Et au fond, ça rejoint peut-être, comme tu dis, par une trajectoire différente, le fait que l'air se charge d'autres choses que d'éléments physiques et chimiques, qui sont justement les comportements et les mécanismes que le capitalisme suppose. Tu vois ? Et je pense que finalement, ça se rejoint très bien, parce que peut-être qu'aussi, il y a un aveuglement dans brouillard, et la toxicité, tu vois ? Je trouve que finalement, c'est beaucoup l'être au monde. Tu vois où je... Par contre, je ne suis pas en mesure de vraiment comprendre. Je ne sais pas si tu trouves que c'est trop... moi, je présente en quelques pages, enfin quelques minutes, le travail de Sloterdijk, qui est beaucoup plus plein d'enquêtes et de digressions, même s'il ne rend pas compte de ses recherches. Ouais. Mais je veux dire, c'est un côté un petit peu extrêmement formalisé, je veux dire. Mais je pense que finalement, ils arrivent beaucoup à la même chose. Mais ce qui m'a paru intéressant dans ça, c'est en fait à une posture plus presque, je dirais, pédagogique, dans le sens où on est tenu de transmettre quelque chose. Et donc là, quelque part, la formalisation aussi, elle permet de transmettre plus facilement, forcément de tronquer des choses, mais aussi de les transmettre. Alors, je ne sais pas quel intérêt pédagogique peut avoir le travail de Alexis Zimmer ou Dimmer, Z ou D d'ailleurs, Z Zimmer. Tu comprends ce que je veux dire? Même si le dernier livre de Sloterdijk pose la question de la pédagogie, après nous le déluge, sur les questions de la modernité comme refusant la transmission, donc la tradition et la transmission, et l'obligation de transmettre qui reste toujours d'actualité. Mais bon, ça c'est une digression, enfin ça, c'est pas le sujet. Non, alors du coup, je me pose la question. Par exemple, sur tout son travail sur les serres, là, dont il dit deux mots là, dans le papier que je vous ai envoyé hier, tout travail sur les serres, est-ce qu'il a mené l'enquête du côté de ces ingénieurs anglais qui vont. Alors, dans le travail sur les serres, il y a toute une partie sur un projet. Le projet Biosphère 2, qui est un projet américain où ils ont installé, je crois, 5 hectares sous une bulle dans plein désert de l'Arizona, enfin plein Arizona, et où ils ont essayé, ils ont pendant plusieurs années, ils ont mis des genre une jungle, une savane, je sais pas quoi, des biosphères, et puis des biosphériens, des personnes qui devaient habiter là, et au bout de, et c'était une sorte, parce que pour lui justement la capsule spatiale c'était voué à des choses beaucoup plus momentanées, et donc la deuxième étape a été cette biosphère 2 qui voulait expérimenter la possibilité de la vie, de la vraie vie, avec l'idée qu'un autre jour, le monde deviendrait irrespirable, ou plus qu'on pourrait installer des capsules de vie, habitable, sur des planètes. Et finalement, ce projet n'a pas marché. C'est devenu un site touristique. Évidemment, il est toujours extrêmement intéressé par le côté technique des choses, c'est-à-dire la possibilité de la réalisation technique des choses. Mais pour lui, la serre, l'idée de la serre, je dirais presque, c'est... elle développe tout ce qui est le côté sensoriel de l'ambiance. Et ce n'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'île anthropogène qu'on aborde les facteurs humains. Donc en fait, dans l'économie générale de son travail sur les insulations, on commence par l'ingénierie, la prothèse du monde vivable, ensuite par la serre, avec l'installation des biosphères, avec l'implantation des biosphères, et ensuite parce que cela ne suffit pas, en intégrant les facteurs humains, où on atteint l'atmosphère vivable, c'est-à-dire l'anthroposphère, qui est sur le modèle de l'anthropotope comme modèle topologique de l'être au monde. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Peut-être que si il y a quelque chose n'est pas clair, ou si moi je suis tout à fait... Peut-être, bon, je suis venu parce que je suis un vieux lecteur de Sloterdijk, au sens où j'ai lu son premier ouvrage, qui était l'éthique de la raison cynique, qui est un ouvrage qui était remarquable, qui était paru en France en 81, et qui était en solde, dans l'autre, peut-être en librairie. C'est-à-dire que j'ai fait une affaire sur le livre. Il est paru 3 semaines après, je prends une librairie. C'est des trucs du centre d'astronomie, etc. Bref, un peu. Et dedans, il y avait une espèce de fascination de la prothèse, finalement. C'est un peu ce que ça racontait. Il est toujours. Il est allemand en ce sens-là, il est fasciné par les conséquences, et c'est ce qu'il a fallu rajouter pour la fonction. Ah, la prothèse dans ce sens-là, d'accord. Oui, c'est ça, le bras artificiel, etc. Et quand même, le souvenir qu'on peut avoir de la Première Guerre, c'est peut-être des problèmes de gaz, mais c'est surtout dans les cafés. Il y avait quand même, je ne sais plus combien, en France, il y avait 3 millions, il y avait plus de toxico après la Première Guerre que même maintenant. Il y avait quand même le morphinomane, parce que c'était le seul moyen qu'on avait pour calmer les gens qui avaient été amputés, etc. Les gants cassés, tout ça. En Allemagne, c'était pareil. Et en fait, il est parti sur ça. Enfin, il est parti en trop sur ça. Aussi. Le principe de départ, c'était de fêter le bicentenaire de la critique de la raison pure de Kant, d'essayer de réhabiliter l'ancien cynisme authentique, ce que je partage totalement avec lui, son propre puissant est très faible. C'était très intéressant, mais après, il a un petit peu déraillé. Il y a quand même des formules remarquables. J'aime beaucoup ce que nous sommes sur Chine, on ne peut pas avoir statistiques que sur les trucs sur l'air, qui me sert très souvent pour commenter les événements. Ou les résultats scientifiques, si vous voulez, ça peut arriver aussi. Voilà. Puis la remarque de Bontoni sur les changements de. Enfin, comment. Les néologies. Il y avait une grande époque de néologie, c'était la Révolution française. Louis-Sébastien Mercier, tout le monde a pu lire. Il y avait un truc absolument remarquable qui était d'un membre constituant qui s'appelait Jérémy Bentham, qui était bien, très bien, qui avait publié une crestomatie. Personne n'a vu la crestomatie, je pense. Non. C'est pas grave. Alors, c'est un terme dérivé du grec, pour travailler. Pour désigner une forme de nouvelle encyclopédie, c'est-à-dire on repart à zéro avec un nouveau vocabulaire. Ça a été traduit en français, hein, 798 places. Je les ai vues dans l'exemplaire que possédait la bibliothèque qu'est Jean Moulin, celle qui a été modifiée dans le monde de l'autre. Et pour vous aider un peu, l'architecture était désignée comme anthropurgie catastrophique. Ça nous aide. Non, ce que je veux dire, c'est effectivement les grands mots, les mots réinventés pour préciser, entre guillemets, sont-ils toujours des précisions? Ça me trouble à chaque fois. C'est tout ce que je veux dire. Pardon. Parce que je veux beaucoup vous aider sur le Jacob Benta, mais bon. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelque chose de ça chez ce Zandag, c'est-à-dire qu'on a affaire à un langage qui est un langage étonnant, je trouve, quand on lit. Oui. On lit et on est presque dans. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as perçu, mais je trouve qu'il y a quelque chose de presque de l'ordre d'une poétique, quoi. Sa façon de dire les choses. Bon, là, évidemment, ça. Là, dans les on peut renvoyer à son deuxième ouvrage qui est Le penseur sur scène, et après, je me suis arrêté. Je parle de l'année suivante. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une proposition de changement de langage, c'est-à-dire, ou de création de langage ou d'allégorie, oui, vrai. Et où à certains moments on se demande si on est dans la métaphore ou dans quelque chose de très immédiat. Mais en même temps, je trouve que ça produit des effets. C'est-à-dire, ça produit des effets de sens et des effets d'innovation, ouais, hein, je trouve. Non, mais je suis bien d'accord. Moi, je trouve ça typique avec l'Aristote qu'il invente là, parce qu'il invente pas seulement des mots, il invente aussi des livres qui n'ont jamais été écrits, quoi. il a une capacité à. Oui, mais c'est. On en vient tout seul. Anthony, je trouve que le travail dont que je ne connais pas, dont tu m'as parlé, la performance dont tu m'as parlé de l'exposition La Tour, finalement. Vu rétrospectivement, c'est un peu la même idée que je développe ici, qui est de partir, d'envoyer la démocratie après avoir envoyé les bombes. Mmh. Finalement, c'est ce lien aussi même s'il ne s'agit pas de démocratie ici, mais c'est ce lien toujours qu'il fait entre la transformation de l'air. Moi, ce qui. Voilà. Mais c'est vrai que quand on invente un vocabulaire, je crois que moi aussi, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui m'est familier, forcément. Vous doutez bien que j'ai eu les mêmes. C'est des constructions sur le grec. Mais je crois que quand on. En fait, ça correspond peut-être à. D'autres façons de découper le réel. Et quand on découpe différemment le réel, peut-être que parfois on est obligé de trouver des mots. Après, lui, c'est vrai que les mots qu'il trouve sont des mots qu'on a du mal à placer. Enfin. Voilà, c'est tout. Je suis pas défenseur de Peter Sokka. C'est là que je parle des élisants, ils sont contents que c'est ça, mais voilà. Il y a aussi peut-être le fait que l'allemand invente des mots en collant. Oui, ça aussi, oui. C'est vrai, Finalement, c'est une tradition allemande, ça, d'inventer des mots. C'est une tradition des philosophes allemands de croire qu'il n'y a pas d'autres descendants de la Grèce antique que ça s'est beaucoup développé dans les années 30, mais ça a toujours été le cas. Le Nietzsche disait que c'est la seule langue digne des Grecs et par conséquent de la pensée des anciens. C'était la même. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez, à part la langue, qu'est-ce que vous pensez des découpages qu'il propose? Je ne suis pas toujours très convaincu. Je ne sais pas bien si c'est par exemple l'électrotope. Le rapport à la vérité. Bon, on dit que le bio s'appelle la vérité hier, mais c'est pas pour autant que. Vous pensez que pensez pas que c'est une catégorie constitutive de notre... Je n'en sais rien, parce que ça, après, c'est, ce qui est bien, c'est que vous avez le graphe. Non, le graphe, j'ai juste mis pour... Non, mais il vient de qui? Hein? Alors, c'est ça. Oui. Je ne sais pas bien, c'est possible. Non, alors, le graphe, il n'y a pas... Il vient de moi, dans la mesure où, en fait... l'idée d'abord c'est que ce ne sont pas des mesures, c'est que la question que moi j'ai essayé de faire comme des choses, des tableaux avec si on pouvait montrer comment des espaces sont plus, l'ergotope domine, ou l'allétotope, ou le... D'ailleurs, je vais vous montrer, je ne l'ai pas enlevé. Vous voyez, par exemple, dans un autre, j'avais essayé de voir comment, par exemple ici, appartement, on voit des composantes, des dimensions qui sont plus importantes que, par exemple, ici, dans... l'aéroport, parce que, comme collecteur de transit, ou dans les propriétés fermées, un peu luxueuses, comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de dire que, un petit peu, de traduire un petit peu ce qu'il entendait par analyse atmosphérique, à savoir que chaque espace, chaque atmosphère, elle a des dimensions qui sont plus importantes que d'autres. Et en fait, ce que j'avais mis ici ne correspond qu'à l'idée justement qu'on peut avoir des dimensions qui sont hyper atrophiées dans certains espaces et d'autres dimensions qui sont plus importante, dont la mesure, si je peux utiliser ce mot, est plus grande. Et là, c'est simplement donc un radar que j'ai utilisé pour montrer que un petit peu comme on peut mesurer les ambiances, celles à laquelle on est habitué, on pourrait peut-être mesurer les dimensions de l'anthropotope. Et peut-être, du coup, rendre plus compte de cette histoire qu'on appelle ambiance sans S. Voilà, c'était ça l'idée, c'était la mesurabilité. Après, c'est pas forcément de cette façon-là, parce que ça en fait, ça ne donne aucune qualité, ça donne l'idée que c'est mesurable, mais ça ne donne pas de contenu, c'est pas du contenu. C'est simplement l'idée que, qu'il y a une oscillation, justement, dont on parle, sur ce fameux axe de la monodimensionnalité. Donc moi, j'avais fait plusieurs petits essais pour schématiser cette mesurabilité, on va dire. Mais lieu 1 et lieu 2, ça correspond à quelque chose? Rien du tout, non. C'est vraiment... C'est vrai. Je vous ai ça, parce que ça m'a rappelé les tableaux de... De théorie des couleurs, des choses qu'on faisait. Non, au 18e ou au 19e, mais il y avait ce genre d'organisation, on dit en CMJ, etc. Non, non, en fait, nous, on a beaucoup utilisé ce genre de graphique qui avait été introduit à l'ERA par Stéphane Henrault, dont je salue la mémoire d'ailleurs. C'est resté un petit peu comme un schéma. On a l'habitude d'utiliser. Et donc j'avais aussi montré à mes étudiants, mes doctorants, pour dire que quelque part l'idée de formaliser était sous-tendue par aussi l'idée de mesurer. Après, c'est encore comme ça, c'est un début. Mais imaginons qu'on prenne un lieu dans lequel on va mesurer par exemple que le sonore et on va faire quelque chose de plus précis sur ces éléments-là, peut-être que on va trouver des liens entre l'utérotope et le sonore, le sentiment d'appartenance et je ne sais pas, donc je ne peux pas parler maintenant, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est vraiment d'envisager les catégories de Sloterdijk comme des catégories pouvant compléter les catégories, excusez-moi, de l'ambiance, des ambiances, voilà. Oui. Non, c'était juste, un peu plus perturbé, c'était Thanatotope, éventuellement, mais je veux dire, si on fait du... Thanatotope, oui, oui, c'est pas Thanatope, excusez-moi, c'est écrit ouais. Thanatope. Non, pas le précédent. Non, c'est Thanatotope, vous avez raison. Bien sûr, Thanatos l'a montré. Vous avez raison, merci. Je vais corriger. Oui. Ouais, c'est une question qui ne touche pas du tout un lecteur. Donc, c'est une question plus sur ta présentation, et effectivement la diapositive finale. C'est-à-dire que pour moi, tout s'éclaire lorsque tu récites un morceau de terrain, un exemple. Oui. Et du coup, il y a la force du récit, peut-être même l'impossibilité de ne pas passer par un morceau de récit. Mm. Pour faire saisir ça, du coup, qui va pour moi, ça va pas à l'encontre de ça. Mais je dirais, il y a d'abord le récit, il y a quelque chose lors du déploiement, enfin, soit de la montée de la compréhension par le récit, soit on part de la compréhension globale et on la décline par des récits. Que je trouve, dans ton oracle, en gros, c'est ce qui éclaire tout. Quoi. Donc en fait, c'est ce que j'ai dit sur les camps, par exemple, ouais. qui a permis de ouais. comprendre... Oui, je comprends parfaitement. Donc du coup, c'est toujours cette question-là, dans nos recherches sur les ambiances, qui passe toujours par des tendances à passer par des axes, par des valeurs de correspondance, ou des relations, pas forcément de cause à effet, bien entendu, mais quand même motifs relationnels, des points relatifs, etc. Alors que la partie du récit, je dirais, se libère un peu d'une forme de quantification ou de classification qui séparerait trop les choses. Enfin, ce que je me demandais, c'est plutôt comment les choses s'incarnent plus que comment elles trouvent des motifs de correspondance. Je ne suis pas très clair, mais enfin, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette nécessité de passer par des morceaux de récit qui, du coup, quand tu l'as dit, sont très courts, qui marchent très bien. Enfin, parce que là, je suis d'accord avec. C'est vrai que. Ça aurait été bien d'avoir un récit plus consistant sur des cas concrets, tu veux dire, hein, c'est ça? Non, c'est que je me demande si tout simplement la représentation, l'explicitation de ça passe, enfin, nécessite dans tous les cas le récit. Non, mais pas que ce que tu as. Les quelques exemples que tu as donnés sont suffisamment éloquents. Et... Oui, mais je les ai rajoutés après. Mais justement, c'est intéressant, ça marche. Oui. Alors, je vais te dire, j'ai un article qui est en cours d'évaluation, donc je ne voulais pas trop en parler, enfin parler de ce que j'ai mis dans cet article, et justement où il y a beaucoup moins de forme, de formalisation, même si elle est citée. Et c'est. Beaucoup plus la confrontation entre justement l'espace l'appartement de célibataire de Sloterdijk, justement que décrit Sloterdijk dans le deuxième chapitre qui est Indoors, contre justement ce travail que j'ai fait sur les camps. Et donc ça c'est très intéressant, parce que justement c'est toujours le récit qui, on illustre presque avant, plutôt que de, tu vois, le découpage, il est juste énoncé, mais le contenu passe toujours par, donc je t'inviterai, le jour où l'article sera accepté, à le lire. Et je pense, comme toi, que ça peut paraître un peu repoussant de rester sur la seule formalisation. C'est ça que tu veux dire ? Ou j'ai mal compris ? Non, c'est les relations finales, en fait, entre le sensible, etc. Et du coup, pour moi, curieusement, désincarne plus la puissance du récit que tu as très facilement dans les exemples. Non, je comprends bien la nécessité des termes, hein, mais c'est plus la façon dont ce lien-là est exprimé. En fait, vraiment, ça, c'est une proposition, et ce que je voulais faire, que je n'ai pas du tout commencé, c'est de travailler avec certaines des doctorantes qui ont travaillé, notamment, j'en parlais l'autre jour à Anthony Mona, qui a travaillé sur les espaces de la Révolution, pour voir si on pouvait reprendre les mêmes espaces, puis elle a travaillé sur 2 ou 3 cas, et pour voir si certaines difficultés qu'elle a eues à trouver des liens et des corrélations pouvaient être surmontées avec ces catégories-là. Donc voilà, moi j'ai pas du tout travaillé sur cette possibilité de corrélation, mais l'idée est de pouvoir au moins produire des articles avec les doctorantes ou les faire travailler sur ça pour voir si on peut penser cette corrélation. Ça, c'est vraiment uniquement une proposition que j'ai jamais essayé de. Je n'ai pas encore essayé de mettre en œuvre. Mais le travail qui est fait par certaines doctorantes me paraît être. Ou certains doctorants. En fait, c'est très intéressant comme méthode, parce que oui. Là, avec les thèses que tu connais, ça voilà. Peut être valable sur plein de petits points. Oui. C'est une façon d'aller relire ses propres travaux. Absolument, absolument. Et de regarder comment on peut les. Et surtout quand les doctorants ont déjà été confrontés à des obstacles, de voir si les catégories de Sloterdijk peuvent permettre de peut-être plus facilement d'écrire les choses. Donc je pense que c'est un petit peu les premiers travaux qu'on va essayer de faire avec les thèses qui existent déjà. Mais peut-être que c'est vrai que cette diapo est très très intéressante, parce que peut-être que ce que nous dit aussi Sloterdijk dans son modèle-là, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'émanciper de l'idée que la sensorialité aurait 5 sens. On sait bien que maintenant, certaines personnes nous disent non, il n'y en a pas 5, il y en a 12 par exemple. Donc pourquoi celle-ci ? Alors évidemment, il y a une longue tradition. On met tous dans le même radar. Oui, c'est une longue tradition qui fait qu'on reste là-dessus. Si on regarde ce que nous dit ce sondage, on nous dit qu'il y a quand même le son, il y a quand même la chaleur, d'abord et avant tout. Mais la chaleur comme métaphore du confort. Oui, tout à fait. D'ailleurs, son dernier. Oui. Tout à fait. Donc peut-être que ça, c'est intéressant aussi de se dire ça. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes d'ambiance, avec une longue tradition nous disant on s'intéresse au son, à la lumière, à la thermique, etc. Peut-être que cette logique-là a des limites, et peut-être qu'il y en a d'autres possibles, et celle qu'il propose en est une. Et donc, ça, du coup, ça chamboule un petit peu notre façon de penser les choses, mais en même temps, ça apporte quelque chose que je trouve d'extrêmement important, qui est l'épaisseur anthropologique de l'ambiance. C'est-à-dire qu'on nous reproche, et je pense parfois à juste titre, de penser l'ambiance comme à la surface ou à l'écume des situations, quoi. Ce qu'on décrit l'ambiance, ce sont des situations et des qualités de situation, mais qui restent un peu à la surface des choses. Ouais. Et que l'épaisseur anthropologique, historique, c'est peut-être aussi le propos d'Anthony, hein, quand il nous dit les brouillards, etc. Bon, il y a un travail d'enquête très, très serré autour de ça. C'est aussi de se dire qu'on ne peut pas simplement se limiter à une pure sensorialité comme cette surface, mais qu'elle est prise dans des composantes anthropologiques fondamentales et très épaisses, qu'il faut aussi qu'on sorte de l'ambiance. Et peut-être que la proposition de ce sondage, c'est peut-être de dire ça aussi. Et donc de s'émanciper un petit peu d'une pure formalité, pour le coup, des ambiances en termes purement sensoriels, pour se dire qu'il y a peut-être d'autres manières de rentrer dedans avec cette question des dimensions anthropologiques qui vont bien au-delà de simplement la sensorialité. Donc ça, je trouve que c'est quand même très stimulant comme composition. Voilà, tu dis beaucoup mieux que moi. Non, mais... Merci, Jean-Paul. Du coup, ce que j'ai entendu, ça vaut le coup de mener l'enquête et de prendre des terrains, des camps, oui, les camps, etc. Oui. Et de voir, ben voilà, est-ce que ces composantes-là, elles tiennent, jusqu'où Ça, c'est super intéressant, je trouve, de rentrer dans ces logiques-là. Alors, excuse-moi. En fait, pour les exemples que tu as présentés sur l'appartement, les gated communities, les aéroports, est-ce que tu peux juste détailler un peu sur les gated communities? Enfin, comme ça, je peux prendre un peu de... Parce que, effectivement, quand le dit Nicolas, le travail sur certaines situations, c'est très difficile de faire diviser les choses. Ça devient parfois une unité. Et j'aimerais bien savoir juste... Par exemple, ici, tu vois que les bulles qui sont les plus grandes, c'est le chirotope, le thermotope, l'ergotope et le nomotope. Donc le chirotope, c'est la question de la limite, de la distance avec l'autre. Et c'est bien quelque chose qui est extrêmement présent dans la gated community. Le thermotope, en fait, l'idée, c'est que par exemple, par rapport à l'utérotope et à l'érototope, dans une gated community, on va sacrifier d'une certaine façon sa volonté de créer un territoire qui se crée un territoire identitaire. D'accord ? Et surtout, si on se place, moi j'avais un petit peu regardé les résidences où les maisons sont toutes identiques, on les vend. En fait, finalement, les gens acceptent de, entre parenthèses, sacrifier les rototopes, donc le champ de la jalousie et pour le thermotope, pour le confort et la sécurité, le chirotope, le thermotope, tout ce qui est immunitaire. En fait, la pensée de Sloterdijk, elle est extrêmement une pensée de l'immunité. Et la gated community, c'est beaucoup aussi, ici on voit bien apparaître les dimensions qui sont des dimensions liées à l'immunité. Pareil, donc la gated community finalement c'est un espace aussi de collaboration. Bon, peut-être qu'on peut aussi parler ici, je voyais sur tout ce qui est architecture participative. Je crois que c'est toi qui travailles sur l'architecture participative, non ? Alors, en tout cas, moi, j'ai travaillé un petit peu sur l'architecture participative, où les gens sacrifient, en tout cas, atrophient certaines des composantes et travaillent ensemble pour avoir certains bénéfices liés, en tout cas, au thermotope. Après, une gated community, pour moi, c'est pas un espace lié à la recherche de la vérité du tout. Par contre, c'est un espace où la question du règlement et tout est très présente. Et donc, par exemple, encore une fois, je suis vraiment dans les essais. Hein. Donc, pour moi, venir prendre, par exemple, la gated community, pour moi, les grandes dimensions qui deviennent extrêmement importantes, si je devais les placer dans le radar de tout à l'heure, je pourrais créer 35 pour chirotope, thermotope, ergotope, nomotope, et beaucoup moins pour les autres composantes, tu vois. Alors que si je regarde, par exemple, le collecteur de transit qui est à l'aéroport. L'aéroport, c'est par définition un espace, ce qu'on appelle un non-lieu, un espace où tout le monde peut se projeter parce que personne ne se reconnaît dedans. Et donc, c'est un espace où la question de l'utérotope, le fantasme de la mer et de la reconfiguration des situations intérieures ne se pose pas, tu vois. Voilà, donc c'est un peu ce que j'essayais de... Comme ça, pour... je pense que Sharaf, elle était là lors de la présentation, cette présentation, n'est-ce pas? Enfin, là où j'ai mis ces diapos. Je les ai laissés à la fin parce que je ne voulais pas les... pas forcément à le montrer, c'est de montrer comment dans l'analyse ou peut-être aussi qui devient du coup aussi un moteur peut-être de design, c'est de dire quelles sont les dimensions qui comptent pour faire ce genre de... Est-ce que ce sont des dimensions qui peuvent devenir des vecteurs de conception? Et d'ailleurs, du coup, j'ai d'autres... Enfin, je suis en train un petit peu d'essayer de voir, de diriger en tout cas un travail sur le design atmosphérique. Et il y a des gens comme Philippe Ram, ou comme Peter Zumthor, ou comme l'artiste... bon, c'est moins d'espace habitable, Olafur Eliasson, qui travaille sur les questions atmosphériques. Et sur cette question du rapport entre la forme et l'atmosphère, enfin, et les dimensions atmosphériques, même si Philippe Ram ou Peter Zumthor ne travaillent pas avec ces catégories, mais je trouve très intéressant dans un livre de Peter Zumthor, je ne sais pas après le discours s'il correspond à une réalité ou pas, mais il dit, il, à un moment donné, il énonce neuf composantes de sa façon de donner forme à l'atmosphère, puisque il parle d'atmosphère lui aussi. Et à la fin, il rajoute des choses, trois idées, j'ai oublié les deux premières, mais la dernière, qui lui paraît très importante, il dit la belle forme. Et ce qu'il dit, c'est que... C'est ça qui me paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il dit, je travaille avec des catégories qui n'ont rien à voir avec la forme, et parfois le résultat est une forme qui me paraît laide. Et quand elle est laide, je l'enlève et je recommence tout depuis le début. Et je trouve ça très intéressant, parce que, en fait... ces catégories ne donnent pas directement des formes, et ce lien entre la nécessité de la catégorie et la forme telle qu'on va la ressentir comme belle, parce qu'on est toujours sensible à ce côté-là, je la trouve extrêmement intéressante. Et du coup, j'ai très envie de mettre des étudiants sur ce genre d'analyse plus fine de ce discours-là. Par exemple, Philippe Ram, si tu regardes, c'est Philippe Ram qui se dit lui-même influencé par Sloterdijk. Si tu regardes, j'ai vu une de ses conférences où il montrait des projets. Les premiers projets, c'était complètement des projets dans des boîtes, et donc où il essayait de reconstituer des climats et des choses comme ça, avec le climat de la montagne. Il dit. C'est un peu plus tard que la forme est apparue. Et on connaît, par exemple, l'appartement qu'il a conçu, je crois que c'était à Lyon, où, par exemple, il met des canapés qui sont surélevés parce que la chaleur monte, et les canapés qui sont des canapés pour deux personnes sont moins élevés qu'un fauteuil pour une personne, parce que la chaleur est censée monter, donc la personne qui est seule a besoin de plus de chaleur que la personne qui est assise avec une autre personne qui est censée déjà lui donner suffisamment de chaleur. Et donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être, même s'il ne parle pas de facteurs humains dans le sens de Sloterdijk, je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à explorer de ce côté-là. Et je pense justement que ces espaces-là, à côté par exemple de mon camp de migrants, ils sont aussi pleins d'informations sur l'avenir du design atmosphérique. Merci. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un aurait besoin de rajouter autre chose avant de passer à... En fait, pour arriver à ce type d'analyse, qu'est-ce que tu as fait pour... Est-ce que c'était juste une relecture? Est-ce que tu as fait une observation? T'as observé certains espaces pour arriver à... Non, ça c'est fait... C'est comment t'as fait? Voilà, C'est des hypothèses ? Non, non, ça, ce sont des hypothèses. C'est pas du tout. Je suis pas allée sur les aéroports. Enfin, c'est en moi. C'est pas du tout le résultat d'un travail scientifique. C'est vraiment des schématisations pour montrer. Pour mieux expliquer l'idée de l'oscillation, parce que moi, quand j'ai lu ça, évidemment, l'oscillation, l'analyse atmosphérique, c'est la détermination de l'oscillation sur l'axe de la monodimensionnalité. Je peux te dire que c'est pas rassurant comme phrase. Et donc, j'imaginais que mes étudiants aussi ne devaient pas être super rassurés par ce type de phrase. Et donc, j'essayais de leur montrer ce que pouvait être l'idée de l'oscillation atmosphérique. Sur l'axe de la monodimensionnalité. Effectivement, parce que tout à l'heure, quand on avait regardé l'exemple de studio d'une personne célibataire, j'ai vu que les rototopes, moi, tel que je l'avais compris, pour un studio, je pense que ça devait être un cercle plus grand, parce que même en aménageant chez soi, on désire toujours avoir des articles de décoration ou des meubles qu'on a vu quelque part et qu'on veut mettre chez nous pour en fait, il y a aussi ce côté-là, c'est qu'on veut que nos invités voient qu'on a aussi cette jolie pièce qu'on a vue autre part. Tu penses que j'aurais dû agrandir ? Pour les rototopes, oui. Je pense, personnellement. Après, ça dépend aussi de la personne et il y a beaucoup de choses qui entrent en question, on ne peut pas... Mais ça revient peut-être à la remarque de Nicolas, c'est que c'est là où derrière les bulles, il y a une nécessité de spécifier ce qu'on y met pour évaluer justement par rapport aux espaces, par rapport aux architectures. Ça prend des formes différentes à chaque fois à l'intérieur même des bulles. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas le résultat d'une enquête, d'un travail scientifique. C'est en fait, pour Sloterdijk, ici en tout cas pour l'appartement, il dit que c'est l'endroit où on peut s'adonner à faire comme si on était telle ou telle personne, tu vois. D'ailleurs, pour lui, l'ergotope aussi, le fait de faire du sport, ça fait de l'appartement un espace ergotopique. Le fait de regarder les informations, ça en fait un espace alétotopique, tu vois. D'accord. Non, il ne faut vraiment pas les prendre pour argent comptant. Mmh. C'est vraiment une schématisation, je vous dis encore, de l'oscillation. Parce que je pense que, enfin peut-être que vous, ça vous paraît complètement clair, mais moi, c'est quelque chose que j'avais envie d'un peu plus expliquer aux personnes que je voulais... voire adhérer à ce que j'avais envie de faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.